بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى كي نوزا كومبلي دو سيس اسيز اي نو دوموندو الله سبحانه وتعالى دو نوز اوغمونتي دو سي بيان في اي نوتر اسيز الي اوتور دو لا بارول دو الله سبحانه وتعالى الي او كان دوت ك الله سبحانه وتعالى ادي سون دو سو قران بور ك لي جون لو كومبرين le midi et midi dessus et le mettre en application. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. La traduction approximative du sens du verset nous dit: ceci est un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile la compréhension du Coran pour celui qui veut en tirer profit. Qala subhanahu wa ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'an lidh-dhikri fa'al min mudhakkir. La traduction approximative du sens du verset nous dit: nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce Coran en langue arabe claire pour que les Arabes le comprennent, y croient, le mettent en application et le transmettent aux autres communautés du monde. Qala subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. La traduction du verset nous dit: nous avons descendu ce Coran en langue arabe afin que vous le compreniez. Cela, frère Allah subhanahu wa ta'ala, nous prouve la noblesse de cette langue arabe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour son dernier message. Son dernier message qu'il a envoyé au monde des humains et celui des djinns. D'où l'importance d'apprendre celle-ci et de la maîtriser. Car il est obligatoire pour nous de comprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre ce que le messager veut de nous. Et on ne saurait y arriver correctement qu'avec cette noble langue qui est la langue arabe. Et la règle, c'est les hommes de science nous dit: le moyen qui mène vers une obligation devient obligatoire. Donc la compréhension du Coran existe de notre part. La consultation des livres de l'exégèse, et cela aussi, nous impose l'apprentissage de la langue arabe pour ne pas dépendre de la traduction, surtout que maintenant est apparu d'une façon critique et alarmante ceux qui étaient entre parenthèses salafis et qui maintenant font la da'wa des ash'arites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et pour bien profiter du Coran, ميديت فريرون الله سبحانه وتعالى السوفيرسي. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. La traduction approximative du sens du verset nous dit: il y a là une exhortation pour celui Pour celui qui a un cœur vivant ou qui prête attentivement l'oreille à l'exhortation tout en étant éveillé. Dans ce verset, dans Sourate Qaf, ce verset fait allusion à ce qui a été cité au début de cette sourate, Sourate Qaf, qui contient cette sourate, qui contient l'exposition des preuves de l'univers qui confirme la résurrection. Cette sourate qui contient ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas cru parmi les communautés précédentes. La sourate nous rappelle que la science d'Allah cerne toutes choses, apparentes et cachées. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala et que tout est comptabilisé. Et il nous rappelle le jour dernier et ses événements. Et il nous rappelle que la prière, l'évocation d'Allah, ce sont de grands moyens qui aident le soumis à patienter et à endurer. Cette sourate nous enseigne la puissance du Coran et la puissance de ses avertissements et la puissance de ses promesses. Ceci est un rappel du contexte où il citait ce verset où il est dit « Il y a bien là un rappel pour celui qui a un cœur vivant ou qui prête attentivement l'oreille à l'exhortation. » Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, dans le Fawaid, « Si tu veux profiter du Coran, tu dois le réciter avec un cœur concentré et tu dois tendre l'oreille et être attentif et considérer que c'est à toi que s'adresse celui qui parle, qui est Allah Azza wa Jal. C'est une parole émanant d'Allah qui t'est adressée et qui a été transmise par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit, rahimahullah, ce verset montre de la manière la plus concise, la plus claire et la plus évidente que pour obtenir l'effet du Coran, cela nécessite quatre choses. L'existence d'une parole influente, en l'occurrence ici, le Coran. Un récepteur prêt à l'accepter, en l'occurrence ici, un cœur vivant. Une condition nécessaire pour cette parole, pour que cette parole soit suivie, le fait d'être attentif et d'écouter attentivement. Et la levée de tout obstacle, il faut que la personne et que son cœur ne soit pas distrait. La parole, il y a là une exhortation, fait référence à tout ce qui a précédé au début de la sourate Qaf, jusqu'à ce verset. Et c'est là la parole influente. Quant à la parole pour celui qui a un cœur vivant, cela désigne le cœur, le récepteur, prêt à accepter cette parole. Il s'agit du cœur vivant qui reconnaît Allah, comme cela est dit dans le verset, « In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. » La traduction approximative du sens du verset, ce n'est qu'un rappel et un Qur'an clair afin qu'il avertisse celui qui est vivant, c'est-à-dire celui dont le cœur est vivant. Et le cœur ne peut vivre qu'avec la révélation. La révélation et la foi qui font la réalité de la vie du cœur. C'est son âme. Comme le corps ne peut vivre qu'avec une âme, bah le cœur, il a besoin d'une âme et cette âme, c'est tout simplement la révélation. Et la parole, au prête l'oreille attentivement au verset d'Allah, cela indique qu'il oriente son oui et tout son sens auditif vers ce qu'on lui dit. C'est là la condition pour que la parole soit suivie des faits. Et il dit, rahimahullah, quant à la parole, tout en étant éveillé, indique que son cœur est présent et n'est pas distrait. Ibn Qutayba, rahimahullah, a dit, il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah avec un cœur présent, une compréhension, et sans insouciance, et sans oubli. Cette partie du verset indique l'obstacle qui peut empêcher le fait, l'effet de cette parole qui est l'insouciance. L'obstacle, c'est l'insouciance du cœur, sa distraction, l'absence de raisonnement, de considération et de réflexion sur ce qui lui est dit. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et pour bien méditer et comprendre le Coran, nous devons nous pencher sur les exégèses de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Les exégèses de ceux qui sont dignes de la voix du messager alayhi salam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Comme l'exégèse de l'imam Tabari et toutes les interprétations qu'il y a eu après dépendent de l'exégèse de l'imam Tabari. Comme l'exégèse aussi d'Ibn Kathir, de l'Barawi, de l'imam Shankhita rahimahullah, de Sa'di et d'autres. Qu'Allah les récompense pour cet héritage qu'ils nous ont légué. Et voici maintenant un aperçu de la méthodologie des savants pour l'interprétation du Coran. Pour avoir une idée, pour ne pas s'aventurer à dire n'importe quoi dans la parole d'Allah, et pour ne pas s'aventurer à expliquer la parole d'Allah et à disserter dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, selon nos passions ou selon notre raisonnement. Il faut savoir que l'interprétation du Coran par le Coran, on est le plus haut degré d'interprétation. Car les termes du Coran s'interprètent les uns avec les autres. Et voici un exemple parmi tant d'autres. قال عز وجل مالك يوم الدين. La traduction approximative nous dit maître du jour de la rétribution. Pour le comprendre, on va chercher son sens le plus significatif et le plus percutant dans Sourate l'Infitar, Sourate la Fonte. قال عز وجل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. La traduction approximative du sens du verset, qui te dira ce qui est le jour de la rétribution. Une fois encore, qui te dira ce qui est le jour de la rétribution? En ce jour, personne ne pourra rien pour quiconque. En ce jour, Allah détiendra tout pouvoir. Et là, tu as l'explication de ce que ça veut dire le jour de la rétribution. En ce jour, personne ne pourra, tout le monde va dire, hein, ma personne, ma personne. Le père ne reconnaîtra plus ses enfants. Les enfants ne reconnaîtront plus leurs parents ce jour-là. La femme ne reconnaîtra plus son mari, et ainsi de suite. Chacun pense à lui-même, qu'est-ce qu'il va devenir? Et l'interprétation du Coran par les hadiths authentiques est d'une grande importance. Car c'est une révélation aussi. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais parlé sur l'effet des passions. Il est, alayhi salatu wa sallam, le plus savant de ce qu'Allah a voulu dire. قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Votre Seigneur dit, demandez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront dans la Jahenne humiliés, iront en enfer tout en étant humiliés. Et nous avons le hadith qui nous clarifie sur la réalité du dua. Est-ce que c'est que le dua et la place du dua dans la religion? Le messager d'Allah a dit dans le hadith Hassan chez Tirmidhi, dua c'est l'adoration. Et nous avons aussi Les interprétations des nobles compagnons tels Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Omar et d'autres qu'Allah les agrépa tous. L'interprétation du Coran et de la Sunna par les nobles compagnons est très importante. Car ils ont accompagné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ont appris de lui les textes, la signification des textes, et la mise en pratique des textes. Ils ont tout appris de lui, alayhi salatu wassalam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa radiyallahu anhum wa ardahum. Qala subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. La traduction approximative du sens du verset, le miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Ibn Hajar, rahimahullah, rapporte que le Baghawi, dans son exégèse, que Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa ardah, concernant l'istiwa, stawa, a dit s'est élevé au-dessus. S'est élevé au-dessus. وقال عز وجل أو لامستم النساء. La transition littérale va dire et si vous touchez les femmes. Ibn Kathir rapporte que Ibn Abbas a dit et si vous avez eu le rapport, si vous avez eu le rapport avec votre femme légitime. لامستم en langue arabe veut dire tout simplement toucher. Mais la signification législative du terme est autre. Car le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, embrassait ses femmes et priait sans refaire le dos. Donc le fait de les embrasser implique toucher. Hein? Implique le toucher. Hein? Et ceci est rapporté par Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et nous avons l'interprétation du Coran par les propos des successeurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi important, car ils ont acquis leur savoir des nobles compagnons radhwanullahi alayhim, qui eux-mêmes l'ont acquis de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, a dit, les meilleurs sont ceux de ma génération et ceux qui leur succèdent et ceux qui leur succèdent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. La traduction nous dit, et puis, il s'est élevé au-dessus du ciel. Abu al-Aliya, qui a appris le Coran et la signification du Coran d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, a dit, il s'est élevé. Hein? Mujahid, qui a appris le Coran chez Ibn Abbas, a dit, il s'est élevé au-dessus du trône. Hein? Tous les deux, ils l'ont expliqué avec quoi? Avec l'explication qu'ils ont eue du noble compagnon d'Allah alayhim. Mujahid est un grand exégète. Pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, quand l'interprétation du Coran te vient de Mujahid, ne cherche pas autre chose. Car Mujahid disait qu'il avait arrêté Ibn Abbas sur chaque verset. Pour savoir où il descendit ce verset, la cause de ce verset, la signification de ce verset, et ainsi de suite. Et ça, c'était l'ambition des hommes qui cherchaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose très importante sur laquelle les savants dignes de la communauté tirent, attirent notre attention. Ils comptent l'interprétation du hadith est différente de celle du compagnon. C'est-à-dire quand le hadith, l'interprétation du Coran par le hadith est différente de celle du compagnon ou de son successeur. Les savants essayent de mettre les deux interprétations en accord. Si ce n'est pas possible, l'interprétation du messager est mise en avant. L'interprétation du Coran du messager prime sur toutes les autres. C'est, il ne peut pas y avoir d'accord entre eux, car il prime Là, car l'interprétation du messager prime sur qui que ce soit. Le messager est le mieux informé et connaît mieux l'interprétation qui convient pour tel ou tel verset. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Ou vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager. Ibn Kathir nous dit, ne les devancez pas dans vos paroles et vos actes. C'est-à-dire, ne dites pas quelque chose qui n'a pas été dit par Allah. Ne dites pas quelque chose qui n'a pas été dit par le messager, alayhi salatu wasalam. Ne faites pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné. Ne faites pas quelque chose que le prophète n'a pas fait et n'a pas ordonné. Et nous avons l'interprétation du Coran par la langue arabe qui a sa place aussi. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nous avons descendu ce Coran en langue arabe afin que vous compreniez. Et là, nous devons faire très attention et savoir que l'arabe est un outil. Parmi tant d'autres outils qui permettent la compréhension, qui aident, c'est un outil parmi tant d'autres qui aident dans la compréhension. Mais on a besoin d'autre chose pour ne pas dire n'importe quoi dans la religion d'Allah et concernant Allah, et concernant sa parole et concernant les hadiths du messager alayhi salatu wasalam, et qu'on médite ces exemples pour bien cerner la situation. قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque injustice. Dhulm, ça veut dire injustice en langue arabe. Ibn Mas'ud a dit, quand ce verset est descendu, cela était lourd, très lourd, pour les compagnons. Et ils ont dit, ô messager, qui parmi nous n'a jamais été injuste envers sa personne par la désobéissance? Hein? Ça, c'est ce qu'ils ont compris. Dit qu'ils ont entendu le verset. Alors que ce sont des Arabes. L'arabe est leur nature. Et qu'on tenait un poète dans une tribu arabe, c'est un honneur pour la tribu. Hein? Ce sont des Arabes. L'arabe est leur nature. Ils ont compris d'olm, hein, par l'injustice ou la transgression. C'est-à-dire, ils l'ont compris dans la signification linguistique. Le messager d'Allah leur a dit, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. L'injustice, c'est l'association. C'est shirk. N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit Luqman à son fils? Ya bunayya, la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim. La traduction approximative du sens du verset, ô fiston, n'associez rien à Allah. L'association est une immense injustice. L'association envers Allah est une immense injustice. Envers Allah. Et cet atar de Ibn Mas'ud est un atar qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Regardez, des compagnons dont l'arabe est leur nature. Et regardez ce qu'ils ont pris de par la langue et regardez la signification réelle du terme dans la législation, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et parmi les leçons à retenir de ce hadith, c'est que l'injustice volme à plusieurs degrés qui sont différents selon la gravité du péché, et les désobéissances ne peuvent pas être appelées association. Zulm, il y a zulm qui est du domaine du politisme et de la mécréance. Et il y a les autres qui sont l'autre catégorie qui ne sont que des péchés. Et jamais le péché va être considéré comme de l'association. Hein? Sauf si celui qui le commet, il dit ce péché illicite. Hein? Donc c'est qu'à l'akhlas. Un autre exemple, dans le hadith de la délégation de Abdul Qais, quand le messager leur a dit, et je vous ordonne la foi en Allah, l'iman billah. Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi en Allah? Ils ont dit, Allah et son messager le savent. Pourquoi ces purs arabes de la délégation d'Abd al-Qais, on dit sauf, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Et pourquoi le prophète leur a posé la question? Et cela nous prouve que l'arabe n'est pas suffisant pour interpréter et expliquer la parole d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, et commencer à disserter sur la religion d'Allah. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué ce que c'est que la foi en Allah. Hein? Leur a donné l'explication. Et pourtant, ce sont des gens qui maîtrisent l'arabe. C'est pas comme nous. Notre arabe a besoin encore d'être arabisé. Hein? Kafri en Allah subhanahu wa ta'ala, les termes dans la parole d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi sallam, et aussi même des fois dans l'arabe, ont plusieurs significations. Il y a la signification linguistique, la signification traditionnelle, et la signification au niveau de la législation, législative. Hein? Et tous ceux qui ont expliqué la parole d'Allah, en s'appuyant seulement, et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, en s'appuyant seulement sur la langue arabe, se sont égarés, et ils ont égaré les autres, comme le tafsir, nous avons l'exemple du tafsir de Sayyid Qutb. Et on a d'autres. Hein? Voici un exemple flagrant dans cette francophonie concernant ce verset où certains se sont aventurés parce qu'ils croient qu'ils ont l'arabe, hein, se sont aventurés à expliquer un verset. Le verset nous dit « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ». Il vous est, et le verset est dans le contexte des versets du jeûne. Il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec vos épouses lors des nuits du mois du jeûne. Vous trouverez la quiétude auprès d'elles et ils trouvent la quiétude auprès de vous. Libas, qui est cité dans le verset, veut dire vêtement en arabe. Et dans cette francophonie, en interprétant le verset, il a dit, ce sont vos sarouels et vous êtes leurs sarouels. Hein? Alors que le verset, il dit, vous trouverez la quiétude auprès d'elle. Il trouve la quiétude auprès de vous. Et il a dit, vos sarouels, c'est basé sur quoi? Sur la langue arabe, libas, le vêtement. Le sarouel est un libas, est un vêtement. Vous voyez où est-ce que ça mène? Le fait de prendre l'indépendance, le fait de ne pas rester derrière les hommes de science, le fait de ne pas se limiter à la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alayhim, et de la porter telle quelle, Et le fait de vouloir se montrer, montrer qu'on sait, hein, où est-ce que ça amène à donner des interprétations égarées, égareuses, qui vont prévaloir à la personne le châtiment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Son châtiment à lui. Et le châtiment de ceux qu'il a égarés. Ils vont être châtiés. Mais il prendra. Parce qu'il les a induits en erreur. Il les a fait divier. D'où l'importance de prendre l'explication de nos savants. Que ce soit des hadiths, que ce soit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants se basent sur certaines matières pour l'explication du Coran. Ceci, c'est juste pour vous donner une idée que, en maîtrisant l'arabe et en s'aventurant à expliquer tout simplement en langue arabe, là on va vers sa perte. Donc les hommes de science se basent sur certaines matières pour l'explication du Coran. La connaissance et la maîtrise de l'istinbat, c'est-à-dire la déduction du jugement. Hein? La déduction de la signification des termes, la déduction des jugements. Il se base aussi sur la connaissance des raisons de la révélation des versets. Les raisons de la révélation du verset sont une aide dans la compréhension. Il se base aussi sur la connaissance des textes abrogeants et des textes abrogés et la raison de l'abrogation. Un texte, un verset est arrivé, et à un moment donné, il y a un autre texte qui est arrivé qui l'a abrogé. Hein? Et ça, et ceci est une science sur laquelle se basent les hommes de science pour l'interprétation. Vous voyez que la langue arabe ne suffit pas. Aussi, une autre matière qui est la connaissance du Coran, mais quoi est le Coran médinois? Et très important aussi, et aussi la connaissance de la présence de certains versets, mais quoi, dont des sourates médinoises, il inverse aussi. Tout ceci, ce sont des matières sur lesquelles se basent les hommes de science. Hein? Ce sont là certaines matières sur lesquelles se basent les hommes de science pour l'interprétation du Coran. Hein? Et tu vois, frère Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces matières, il y en a encore d'autres. Le temps et l'énergie qu'il prend pour quelqu'un pour les maîtriser. Et regarde, les nobles compagnons d'Allah alayhim, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Le texte arrive au prophète alayhi salam, la parole d'Allah, il leur donne le texte, la compréhension du texte, et comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en application? Khalas. Hein? Et ceux qui ont appris chez eux, oui, la même chose. Et c'est après que la situation va devenir un peu plus complexe, qu'il y aura besoin de toutes ces sciences, les sciences de l'éloquence, les sciences, les différentes matières de la langue arabe, les différentes matières concernant le hadith, concernant la jurisprudence, concernant l'interprétation du Coran, et ainsi de suite. Tu imagines tout le temps que ça demande? C'est pour ça, il faut pas se leurrer, que je vais rentrer à étudier la législation d'Allah et en 2 ans j'ai acquis. Il faut pas rêver. Oui, j'ai commencé à voir des choses et à comprendre certaines choses, mais je suis pas arrivé. D'où la parole de Cheikh Al-Rudayyar, rahimahullah ta'ala. Quand son fils est arrivé tout joyeux, il a dit, père, ça y est, j'ai obtenu mon doctorat. Il lui a dit, tu viens de commencer, tu viens de rentrer dans l'apprentissage de la science. Hein? Ceux-là, ce sont ceux qui ont compris. Hein? Ceux-là, ce sont ceux qui ne disent pas n'importe quoi dans la religion d'Allah. Ceux-là, ce sont ceux qui se respectent et respectent les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées. Contrairement à certains de nos contemporains. En Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la déduction? L'istinbat. La déduction juste des sentences, des lois, des jugements, des sens des versets. Cela a besoin d'étudier beaucoup de matière. Mais dites maintenant une déduction extraordinaire de l'un de ceux qui ont appris chez le messager sallallahu alayhi wa sallam et chez ses grands compagnons, ridwanullahi alayhim. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte qu'Abdullah ibn Abbas a dit « Omar m'introduisait auprès des compagnons qui avaient assisté à la bataille de Badr. » Cela faisait le conseil de concertation, de consultation d'Omar ibn Khattab. Hein? Omar m'introduisait auprès des compagnons qui avaient assisté à la bataille de Badr et cela ne plaisait pas à certains qui ont dit à Omar « Pourquoi tu introduis parmi nous ce jeune garçon, ce jeune homme, alors que nous avons des enfants de son âge ?» Omar leur répond « Ce jeune est celui dont vous connaissez bien la famille, et dont vous connaissez bien le savoir. Un jour, Omar m'introduit auprès d'eux, j'ai compris. » Regarde cette compréhension qu'il avait, radiyallahu anhu arda. Pour ça qu'il disait de lui, quand on lui a posé la question, comment tu as eu cette science, il a dit, « Qalbun aqoul, wa lisanun sa'oul. » Un cœur doué de raison, éveillé vivant, et une langue qui s'est posée des questions. Radiallahu anhu arda. Un jour, Omar m'introduit auprès d'eux, j'ai compris qu'il voulait leur faire comprendre quelque chose. Qu'il voulait leur faire comprendre pourquoi il m'introduisait. Hein? Omar leur dit, que dites-vous de cette parole d'Allah? Idha ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا. Que dites-vous sur ce verset dans la traduction qui nous dit « Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire et que tu vois les hommes embrasser par groupes successifs la religion d'Allah, alors célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur et implore son pardon, car il ne cesse d'accueillir le repentir de ses serviteurs. » Certains parmi l'assemblée, qui étaient là parmi les grands et les nobles compagnons de la bataille de Badr, parmi eux les mémorisateurs du Coran aussi, ont dit, on nous a ordonné de glorifier et de louer Allah et d'implorer son pardon. Certains se sont tus, ils n'ont rien dit. Et Omar me dit, est-ce que c'est ainsi que tu interprètes ce verset au fils de l'Abbas? Je dis non. Il me dit, quelle interprétation tu lui donnes alors? J'ai dit, il s'agit là en réalité de l'annonce du terme de la vie qu'Allah a fait à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah a fait à son messager dans le verset, lorsque vient le secours ainsi que la victoire. Omar dit, je ne connais d'autre interprétation que ce que tu viens de dire. Hein? Ça, c'est la déduction saine. Et voici un autre exemple. Nukathir rapporte, rahimahullah, dans son exégèse, que quand l'imam Shafi'i, rahimahullah, a évoqué ce verset, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Ceci signifie que chaque personne ne portera pas le fardeau d'autrui de même qu'il. Il n'aura la récompense que ce qu'il a acquis lui-même. De ce verset, l'imam Shafi'i a déduit que si on récite le Coran dans l'intention d'offrir la récompense de cette récitation aux morts, celle-ci ne leur parviendra pas, car il ne fait pas partie de leurs œuvres, ni de ce qu'ils ont acquis. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas incité sa communauté à le faire, ni sous forme subtile, ni explicite. De même qu'il n'y a aucun texte qui ne rapporte ou qui prouve que les compagnons l'ont fait. En réalité, s'il y avait du bien dans cette pratique, ils seraient les premiers à la pratiquer. Cela prouve que ce genre de pratique, il faut se limiter au texte et ne pas agir en suivant des raisonnements par analogie ou selon sa propre opinion. En revanche, il est reconnu à l'unanimité que l'invocation de l'aumône parviennent aux morts. Et c'est prouvé textuellement. Fin de citation des paroles d'Ibn Kathir, ce qu'il a rapporté du Shafi'i. Regardez la déduction, comment il est. Le verset, il en a déduit que le fait de lire le Coran dans l'intention que sa récompense aille vers le mort, vers ton père ou là, vers ta mère, celui n'arrivera pas. Parce que ceci n'est ni prouvé ni par la parole d'Allah, ni par le sunnah. Le prophète alayhi salam et des compagnons ne l'ont pas fait. Et si c'était un bien, ils seraient les premiers à nous devancer à le faire. Méditez frère en Allah subhanahu wa ta'ala ces déductions. Mais ils viennent de qui? La première vient d'Abdullah ibn Abbas, qui a prêché le messager sallallahu alayhi wa sallam ici et les grands compagnons. Et en plus de ça, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a fait dua, lui a fait ce dua, oh Allah, donne-lui la compréhension du livre et verse-le dans la jurisprudence de la religion. Et les duas du messager alayhi wa sallam sont exaucés. Et le deuxième exemple vient d'un des imams de la science, qui est l'imam Shafi'i rahimahullah, qui a légué à cette communauté, qui a légué à la communauté cette règle. Cette règle en or, qui dit, si le hadith est authentique, c'est ma voix. Et il a dit aussi, si ma parole est en contradiction avec le hadith, mettez-la de côté, et je reviens dessus, même après ma mort. Et cela doit attirer notre attention, que la déduction n'est pas donnée à ceux qui ne sont pas ancrés dans la science. Il faut un certain savoir, d'où l'importance de nous limiter aux interprétations de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, et de nous limiter aux interprétations et aux explications de nos hommes de science qui sont sur la voie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Et d'agir, comme il a dit l'imam Ahmad, rahimahullah, dans le sens de sa parole. Il a dit, ne t'aventure pas sur un sujet sur lequel tu n'as pas d'imam. C'est-à-dire, ne viens pas avec des paroles qu'aucun imam n'a dit. Tu viens juste avec des paroles comme ça dans la religion d'Allah, ou dans la parole d'Allah, ou concernant le hadith du prophète, comme ça, de ta raison, de tes passions, de ce que tu penses. Et qui sait, c'est l'imam Ahmed. Et aussi, nous devons avoir à l'esprit cette parole de l'imam Ahmed. Il dit, si tu as deux interprétations du Coran en face de toi, ramène pas une troisième, la troisième c'est une innovation. C'est-à-dire, tu as l'interprétation du compagnon et du tabi'i. Viens pas chercher une troisième, parce que la troisième c'est une innovation. Et qui c'est qui a dit ça? L'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam des gens de la sunna. Par excellence. Et celui à qui la communauté lui doit le fait que la croyance, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est préservée, la communauté lui doit, par les efforts et par l'endurance et par tout ce qu'il a subi, pour ne pas répondre à ces da'wah de mécréance qui voulaient à son époque que le Coran, qui voulait propager à son époque, le Coran est une créature. Et il a résisté à cela en leur disant, ô prince des croyants, donne-moi une parole d'Allah qui me soit une preuve, ou un hadith du prophète alayhissalam qui me soit une preuve pour que je prenne cette croyance vers laquelle vous appelez. Et il disait à ceux, aux savants du mal et de la déviance, est-ce que cette croyance que vous dites, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam la connaissait? Est-ce qu'il l'a transmis? Est-ce que le compagnon la connaissait? Est-ce qu'ils l'ont transmise? Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas répondre. Et cela nous prouve que la science du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension du plus près des sœurs, c'est une arme fatale. Aucune ambiguïté, aucun déviant ne peut lui faire face. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna wa sifatihi al-ula, an ij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsana Allahu lakum, jazakumullahu khairan.